Le Talisman par Jacques Cézanne. Ah, Athénaïs, ma chère Athénaïs, si vous saviez comme je l'aime, dit Mademoiselle de la Vallière. Je l'aime plus que moi-même, plus que mon salut, plus que tout au monde. Et il faut bien qu'il en soit ainsi pour que j'aie sacrifié à cet amour le sentiment de mon devoir et le souci de ma dignité. Il n'y a point à rougir, protesta Mademoiselle de Mortemart, d'être la maîtresse du roi. C'est un état que des femmes qui sont restées célèbres ont rempli avec éclat. Je ne demanderai, moi, qu'à t'oublier. Je n'ai jamais espéré de jouer un rôle ni de remplir un emploi. Ce n'est point le roi que j'aime, c'est l'homme à qui j'ai donné mon cœur pour ne jamais le reprendre. Et la pauvre Louise eût préféré, voyez-vous, qu'au lieu d'être entourée de la toute-puissance et de la splendeur royale, son Louis fût le plus déshérité de tous les mortels. Tenez, j'ai dû lutter contre lui chaque fois qu'il m'a voulu faire des présents. Cependant, vous n'avez point toujours résisté. Ces perles et ces brillants, ma chère Louise, m'en sont un sûr garant. Mademoiselle de la Vallière eut un geste de résignation. Comme toujours, j'ai cédé. Comment lui résister lorsqu'il veut quelque chose? Il sait être si tendre et si pressant. Mais il me l'a fait naguère un cadeau que je préfère à tout cela. Et lequel donc? Demanda Mademoiselle de Mortemart. Venez avec moi, chère Athénaïs, je vais vous montrer mon trésor. Mademoiselle de la Vallière entraîna son amie hors du palais, et quand elles furent sur les parterres, elle lui fit voir un rosier de Hollande qui ne portait qu'une rose. Mais cette rose était tout à la fois si riche de tons et si délicatement nuancée qu'elle eût rendu jalouse la chair de blonde la plus éblouissante. « Voilà, expliqua Mademoiselle de la Vallière, c'était un bal du Louvre. Figurez-vous que l'une des salles était entièrement décorée de rosiers. Le roi me vit en contemplation devant le plus beau de tous, qui était celui-là. Alors il me regarda en souriant et dit à le nôtre de me l'apporter le lendemain au palais royal que j'habitais alors avec Madame Henriette. Quand je compris ce dont il s'agissait, les jambes me tremblèrent et le cœur me battit si fort que je n'en pouvais plus. Pour le nôtre, il maugrait bien un peu en m'abandonnant son arbuste favori. « Soignez-le bien, mademoiselle, me dit-il. Ce rosier peut vivre 50 années, à condition de ne lui laisser porter qu'une rose par saison. Mais, lui répondis-je, c'est vous-même qui en prendrez soin, si vous voulez bien consentir à vous donner cette peine, mon cher monsieur le nôtre. Il accepta de grand cœur, et depuis cela, ce rosier m'a suivi du palais royal au Louvre et du Louvre à Versailles, sous l'œil attendri et vigilant du bon le nôtre. Mademoiselle de la Vallière mit la main sur l'épaule de son amie, pour la rapprocher d'elle, et lui murmura à l'oreille « Athénaïs, vous m'allez trouver peut-être un peu sotte, mais ce rosier est plus pour moi que le présent charmant d'un être aimé. C'est un talisman et un symbole, le symbole même de notre amour. J'ai idée, et rien ne pourra me retirer cette idée du cerveau, que tant que mon rosier sera vivace et qu'il me donnera sa rose merveilleuse, le roi m'aimera, mais que le jour où mon rosier commencera à décliner, s'en sera fait de cet amour. Vraiment, Louise, fit Mademoiselle de Mortemart avec un indéfinissable sourire, vraiment, vous avez ce pressentiment? Oui, et mes pressentiments ne m'ont jamais trompé. Et que feriez-vous, ma belle, si le roi en aimait une autre? Je me réfugierais en Dieu, à qui je demanderais de bien vouloir m'absoudre de mes fautes. Mademoiselle de Mortemart eut peur d'avoir trop laissé deviner d'elle-même. Elle dit avec un accent presque métallique dans la voix « Moi, je ne crois point au pressentiment. Il faut faire sa vie, avec sa volonté, et non la subir avec ses craintes. » À quelque temps de là, on apprenait les fiançailles, puis le mariage de Mademoiselle de Mortemart avec le marquis de Montespan. Cette union avait été préparée par le roi, qui trouvait opportun et convenable de pourvoir d'un époux celle dont il s'apprêtait à faire sa nouvelle favorite. Louis XIV commençait à se lasser de Mademoiselle de la Vallière, qui ne savait qu'aimer, le soupirer et le prouver. L'ennui naquit un jour de l'uniformité, a déclaré un poète. Il ne faut point que l'amour soit uniforme. Une amoureuse experte doit, par des jeux changeants, tenir en éveil le goût que l'homme qu'elle aime éprouve pour elle. Elle doit le divertir par son esprit. Elle doit aussi, en usant d'une judicieuse coquetterie, lui faire craindre un peu que sa conquête, convoitée par d'autres, ne soit pas aussi définitive qu'il y paraît. Madame de Montespan était osée, voluptueuse, spirituelle, impertinente, à souhait. Comment Mademoiselle de la Vallière eût-elle pu lutter contre cette dangereuse rivale? Un jour, en venant rendre au Rosier sa visite quotidienne, Louis s'aperçut qu'il dépérissait. Affolée, elle courut chez le nôtre, qui fut stupéfait de voir la rose se flétrir et l'arbuste se recroqueviller sur lui-même. Le rosier allait mourir. Point n'était besoin d'être grand clerc en botanique pour s'en apercevoir. Le nôtre le tailla, le changea de terre et d'exposition, rien n'y fit. En face de Montespan, étincelante, la Vallière, aux soirées de Versailles, n'apparaissait plus que les joues pâles, les yeux gonflés rouges d'avoir pleuré. Sa Majesté lui déclara tout crûment qu'elle n'était point son avantage, et que si elle avait des vapeurs, il lui fallait se soigner. Le rosier était mort. C'était Montespan que le roi aimait maintenant. « N'avez-vous confié à personne ?» demanda le nôtre à la favorite abandonnée, « le secret de votre talisman. »« Non, à personne. »« Souvenez-vous bien. »« Ah si » dit-elle, « à Madame de Montespan. » Cela suffisait à le nôtre. Quand il fut seul, il prit un peu de la terre dans laquelle l'arbuste plongeait ses racines et la porta chez un chimiste. La terre était imprégnée de couperose, poison violent, qui n'avait pas tardé à produire son effet. Madame de Montespan avait une méthode particulière pour cultiver les plantes des autres. C'était le talisman de Jacques Cézanne.